Avec de retour sur la propreté, Sandrine avec nous toujours. Yeah. Tony toujours. Oui. Waouh, Mégane. Toujours. Waouh, super. Et Gérard et Sandy. Ouais. Bon, c'est Gérard là ou Sandy? Non, c'est moi. Sandy? Non, toi, je suis là, je suis juste à côté. Hein. Bon, t'es juste à côté. Ah, vous êtes là tous les deux, d'accord, très important. Donc, il y a deux, trois petites questions donc, qui viennent peut-être directement de l'un ou l'une d'entre vous, Sandrine, Tony ou Mégane, non? Concernant directement. C'est-à-dire qu'hors antenne, on a parlé de sexe, donc c'est un peu chaud. Bon, encore? Oh non mais arrête, Tony, t'es vraiment un cochon. On parle de propreté, on parle pas de sexe. Ouais mais bon, bah justement, c'est bien pour l'hygiène aussi. L'hygiène justement dans le sexe, Gérard, d'après toi, est-ce qu'il faut avoir un peu d'hygiène dans le sexe lors de du rapport sexuel? Ah, très bonne question. Est-ce que tu te laves? Très bonne question, comme dirait Monsieur comment tu l'appelles? Monsieur Big Bill, il a dit qu'il fallait toujours laver son kiki avant de pénétrer, parce que sinon, si c'est pas propre, ça fait des croûtes à l'intérieur de la poufoune, c'est pas bon. Soyons sérieux, Gérard, sérieusement. Non, mais j'aime pour pas toi, te voir heureux. Est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Il aime pas te voir heureux. J'aime pas. Je préfère quand tu gueules. Ouais, moi, c'est pareil. Ouais, moi, je préfère être heureux parce que je suis heureux. Bon, dans... Gérard, passe-moi Sandy. Tu veux qui? Sandy. La Peggy? Ouais, Sandy. Tu veux Peggy, la cochonne? Allez, passe-moi Sandy, vite. Tiens, Peggy. Zap. Il est bourré surtout, hein. Allô? Alors, il est bourré ou on nous demande ou pas? Non. Ah bon, d'accord, il s'agit juste de se réveiller. Ah, ben c'est pour ça, il est en pleine un forme. Un peu de mauvaise humeur, mais bon, c'est pour ça, jamais. Pourquoi il est de mauvaise humeur? Ta braguette, toi. Pourquoi il est de mauvaise humeur? Mais c'est pas grave si ma braguette est ouverte, je la referme et puis c'est tout. Hein. Voilà. Ça commençait à devenir chaud, alors. Dis juste à Gérard que c'est un peu comme dans les débats, on veut bien qu'il y ait personne derrière qui parle, derrière les gens qui sont sur l'antenne. Tu te tais et c'est clair. Sandy, oui. Faut-il avoir de l'hygiène lors des rapports sexuels? Ah bah oui, c'est très important, mais par contre, si on a un rapport sexuel avec une personne et puis que, qu'en même temps, arrête de tousser, en plus tu fais exprès. Alors mais c'est... Il va se faire remarquer. Le gamin, tu m'étonnes. Alors, c'est grave, hein. Sandy, laisse-le tousser, te déconcentre pas, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est sûr que c'est pas évident. Quand la nana, la siraniana, c'est vrai que c'est pas... c'est un peu dégueulasse lors du rapport sexuel. Hein. Sandrine, est-ce qu'il y a des gestes lors des rapports sexuels de propreté pour toi? Oui. C'est lesquels? Le sexe propre. Le sexe donc propre. Le gant, ça peut servir. Hein. Ouais, mais enfin bon, quand tu sors avec ton mec et tout, que tu reviens là d'une soirée, tu lui demandes d'abord d'aller. Tu regardes même pas, quoi. Hein? Tu regardes même pas si c'est propre et puis tu vas, quoi. Mais c'est pour ça que. Quand t'as trop envie, je crois que là. Quoique l'odeur des aisselles, ça joue, hein. Ah oui, c'est vrai. Non, enfin, tu vas pas prendre une douche avant d'aller au lit. Tu peux prendre une douche pendant. Ouais. L'odeur des aisselles, c'est contraceptif. Ah, c'est vrai que c'est assez... Un peu contraceptif. Sandrine, tu sens des aisselles de temps en temps? Tu as tendance à transpirer des aisselles? Bah déjà, si tu veux, nous les nanas, on frase les aisselles. Oui, c'est vrai. Donc, ça aide un petit peu, oui. Mais il y en a quand même qui sentent de la transpire. Ouais. Ah oui, dans la journée et tout, il y a des nanas quand même, ça arrive. Ouais, hein. Mais là, ça vient peut-être des vêtements aussi. Ça vient peut-être des vêtements. Tony? C'est vrai qu'elle lave pas les vêtements. Tony, ouais, toi, de ton côté? C'est bien de se... C'est vrai que deux fois, on est trop excité, on se lave pas. Mais c'est bien de se laver ensemble juste avant et juste après aussi. Après, tu vas prendre une petite douche, toi, après? Ouais, un petit bain, une petite douche. Oh, déjà direct après? Ouais, bah ouais. Oh non. Moi aussi. Oh allez. Non. Allez, oh non, c'est mieux avant. Hein, Mégane? Non, moi, je ne prends pas de douche avant. Après. Tu prends pas de douche après? Non, un petit tour aux toilettes et puis voilà, il faut rester dans l'odeur de l'amour. Oh, comme c'est bien dit. C'est, bien dit. Hein c'est beau hein, quand je veux. Hein. Ah, puis si tu peux avoir un peu d'odeur sur le bout des lèvres. Ouais, en plus, mais par contre, le kiki qui sent la pisse, pas trop. Ouais. Quoi. Ah non, ça, on est d'accord. Là, ça le fait pas. On est bien d'accord. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Je crois que c'est pareil. Sandy, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ça c'est vrai que faut bien laver le kiki et la foufoune parce que là, sinon, c'est dégueulasse. Hein. Ah, ça t'est arrivé, toi, Dieu? Ça t'est peut-être déjà arrivé, non? Peut-être que j'arrive de faire un petit pissou. Non, parce que déjà, moi, je prends déjà... Non, mais je prends déjà au moins deux douches par jour, donc... Pas toi, mais je dis Gérard, on sait jamais. Bon, lui, je sais pas ce qu'il fait. Ça lui arrive de prendre une douche, oui. Non, mais évidemment, mais je veux dire, vous regardez la télé, je sais pas, vous regardez la F1, et puis il a bu 3-4 bières, puis il a envie d'aller pisser, puis pisser, bon, là, je sais pas. Et après, il a envie, quoi. Allez-y, non, mais c'est vrai que c'est dégueulasse. Dès que t'arrives, tu sens le pipi, le kiki qui pue le pipi, c'est dégueulasse, hein. Franchement, justement, tu l'emmènes à la douche et puis c'est cool, quoi. Non, mais attends, je vais dire une chose, j'ai que quand une nana elle est ragnagna, tu fais pas l'amour avec elle, c'est tout. Si tu trouves ça dégueulasse, tu fais rien. Oui, mais vous en mettez plein. Mais non, mais d'accord. Attends, on en met plein les draps, tu changes les draps et puis c'est tout. Bon, Sandy. Ouais. Ça t'est déjà arrivé que, quand même de faire une petite fellation à Gérard et puis qu'il sente un peu l'urine. Ouais, mais enfin, je sais pas, non. C'est... Non. Je sais plus, là. La bière, ouais. Je vais pas te répondre parce que. Mais allons plus loin. Est-ce qu'il t'a déjà pissé dans la bouche? Allons-y. Est-ce qu'il t'a déjà pissé dans la bouche? Ah, c'est immonde ce que tu viens de dire. Ah, mais attends, c'est mon style. Par quoi? Par la bouche ou par où? Est-ce que t'as pas eu le. Par où, toi? Non, mais t'as jamais eu, je sais pas, le sperme qui sentait la 1664 ou un truc comme ça? Et est-ce qu'il a déjà après, eu Kiki qui sentait le caca? Non, mais c'est vrai que j'ai des fois, il a des moments de relâche, quoi. Ah, il a des moments de relâche, c'est quoi, c'est-à-dire? Quoi? Bah, c'est-à-dire que des fois. Il pisse dessus? Je te bats, attendez. Des petites conneries, quoi, par-ci par-là, il fait des petites. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Des petites choses qu'il devrait pas faire, quoi. Comme par exemple. Quoi, non. Tu veux pas le dire, Gégé, non? Non. Mais vas-y, dis-le, Sandy, on discute entre nous, vas-y, bon, c'est quoi? Non, Gégé, il veut pas que je dévoile, alors. Mais non, mais c'est sans dévoiler, mais c'est comme ça, c'est entre nous, c'est dans l'hygiène, c'est dans le débat, c'est quoi? Non, par exemple. Mais des fois, il va avec la bibine, quoi. Avec la quoi? Un peu la bouteille. Dans la chatte? Non, pas dans la chatte, non. Quoi, non, mais il voit un peu de bouteille, et puis après, ça repart. Ah non, mais parle devant ton micro. Arrête, Gégé. Ah oui, c'est pour qu'après, ça l'excite. Ouais, c'est pour lui donner des forces, quoi. Ah, ben non, c'est le seul à qui ça excite. C'est un excitant pour lui, l'alcool. Et ben, qu'est-ce qu'elle va prendre ce soir, Sandy? Oui, parce que là, ce soir, apparemment, elle prend tous les soirs. Alors, elle doit prendre beaucoup tous les soirs. Hein? Oh non, je vais pas coucher dans la cave. Dans la cave avec les rats. Il y a que le jeudi où elle reçoit pas parce que comme il y a des débats, il peut pas. D'accord. Oui, mais. Et lui voir du bois bandé. Il va se fermer de l'accro ce soir. C'est ça qu'il reçoit. Alors, bon, Sandy. Oui. Qu'est-ce qui pour toi est très important dans la propreté, l'hygiène, c'est quoi? Ah bah déjà se laver, hein. Ouais. Alors justement, là, soit 95% des gens disent que les gens mettent du parfum par-dessus la transpiration. T'es d'accord ou pas avec ça? Ah non, il faut se laver d'abord. Hein. Bon, t'es d'accord que ça arrive chez les gens des fois? Bah oui, ça arrive. Il y en a qui se mettent du parfum, ils se lavent même pas. Chez des gens qu'on fréquente des fois qui sont vraiment autour de nous, qui sont vraiment des gens très proches. Voire même extrêmement proches. Chez des gens qui sont très très proches de toi des fois. Ouais, c'est vrai, même dans le métro, tu vois les gens, ils mettent du parfum. Non, pas forcément dans le métro, plus proche encore. Des gens avec des kystes. Ouais, mais là, des fois, c'est intenable. Même dans le bus, tu vois les gens, ils, on sait même pas si. Des fois, ils ont les cheveux gras, on sait même pas s'ils ils sont sortis. Oui, mais sans doute, on rappelle pour les auditeurs qui ne sont pas fidèles que les gens, c'est la traduction de le copain. Yeah. Voilà. Non, pour les gens qui ne sont pas des fidèles. Moi, j'ai un petit sondage là. Sandy, écoute bien. Sandy, dis-moi. 70% estiment qu'il est plus propre de s'essuyer les fesses de haut en bas, que l'inverse. Oh, c'est quoi ça? C'est un sondage. Comment tu fais, toi, Sandy? Hein? Comment tu fais? Tu fais de bas en haut ou de haut en bas? Oh, bah, je sais pas, parce que comme je prends une douche, je commence plutôt par le bas, après je finis par le haut. Ah. Mais quand tu t'essuies, Sandy? Hein? Quand tu t'essuies? Quand t'as posé la crotte. Tu fais ta crotte, tu vas prendre une douche, toi? Non, mais attends, plus tard, quand je vais aux toilettes, quand je fais caca, je vais aux toilettes, je vais pas dans, je suis dans la douche. Mais non, mais justement, donc, le sondage était 70% estime qu'il est plus proche. C'est bon qu'elle crotte pas dans la douche. De s'essuyer les fesses de haut en bas que l'inverse. C'est monsieur caca. C'est-à-dire qu'avec le papier de toilette, il faut mieux s'essuyer les fesses de haut en bas que de bas en haut, tu vois? Bah, ça n'a pas d'importance, hein. Et est-ce que tu regardes après? Ah non, attends, hein, de regarder ma crotte, ça va pas, toi? Non, mais ça, c'est l'hygiène, c'est super important, il faut faire gaffe à tout ça. Hein. Si t'as des verres ou des choses comme ça? Oh non. Ou des bocs. Tu perds du sang et tout. Moi, j'ai jamais eu de verre dans le derrière, ça va pas. Si, j'ai plus ta champagne. Mais non, il doit rester des trucs là-dedans, il y a de la place. Non, là, c'est n'importe quoi, là, il faut faire attention, là. Non mais bon, je sais que pas comprendre. Non mais Sandy, quelles sont les choses pour toi qui sont et pour les autres très importantes en ce qui concerne l'hygiène pour quelqu'un, pour un mec? Qu'est-ce que tu exiges d'abord dans la propreté? Bah qu'il se lave. Oui, d'accord. Au moins il se lave d'abord, la première chose, et au moins qu'il mette du parfum. Ouais. Mais le parfum. Qu'il en mette pas trop quand même, parce que des fois quand la personne a mis trop de parfum, ça devient. Bah alors. Tu peux même pas respirer et puis tu peux même pas, tu peux rien faire. Ouais, ce qui est difficile, c'est le parfum avec la transpi, quoi. Ouais, mélanger avec la transpi, c'est vrai que c'est un peu dégueu. Hein. Non, tu connais? Non, je connais personne. Non, je veux dire, tu connais personne déjà, oui. Non, je connais personne, mais bon. Dans le métro, c'est vrai que c'est intenable. C'est vrai. Vous êtes d'accord, ça, pour Mégane, tout ça? Ouais, je suis aussi d'accord pour les gens qui se lavent pas les dents, quoi. Et qui parlent bien après. Ah bah alors justement, on va rester sur le même mec. Pour les gens. La dent. Ouais, ou mâcher des chewing-gums, mais faites ça. T'en as pas, lui. Ouais, nettoyez-vous la dent. Pas trop, quand même. Hein? Vous brossez là-dedans. Voilà, une maquette. Non, mais c'est... moment. Alors, attends. Je vais avec toi. Prends le téléphone si tu veux parler, Gérard. Ah ouais. Alors, oui. Non, j'allais. Je sais pas, t'as d'autres. Oui, j'ai. Je vais faire un blind test à Gérard et à Sandy sur un truc. Attendez, qu'est-ce que j'avais. Oui, 40% des Français se demandent pourquoi il faut se laver qu'une fois par jour. Attends, il faut se laver deux fois par jour. Ouais. Ouais, mais généralement, les Français, enfin, pour eux, tu vois, ils ont appris qu'il fallait se laver une seule fois par jour. Oh là là, une fois par jour. Sandy, qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, franchement, c'est incroyable, ça, une fois par jour. C'est moi, il faut au moins se laver le matin et le soir. Hein. Ouais, pourquoi? Parce que tu transpires dans la journée ou parce que tu as une activité ou... Non, parce qu'il y a des fois, ton mec n'a pas le temps de le faire, tu fais pour lui. Non, c'est pas ça. Ouais, ben bah voilà, tu ça, surtout, il son tour. C'est normal que tu te laves. Samedi, et le matin, soir, quand tu reviens du boulot, tu sens la transpire, tu voilà. C'est normal que tu prennes une douche. Voilà. Et pourquoi tu te laves le matin, alors? Bah, je me lave le matin avant que je fasse mes petits trucs, quoi. Et puis après, le soir, je fais pareil. Ah, c'est parce que le matin, elle fait le devant et le soir, elle fait le derrière, sinon elle n'a pas le temps. Mais non, c'est pas ça. Non, parce que le matin, quand tu dors, enfin, tu transpires, toi? Bah non. Moi, je transpire jamais, moi. Donc pourquoi tu te douches le matin? Bah, tu vois, j'apprends. Attends, passe pas Gérard, passe pas Gérard. Ok, c'est pas Gérard. Gérard, tu dis, que ouais. Tu dis que c'est une menteuse, elle transpire? Ouais, elle transpire la nuit. Grave. Tu l'as fait transpirer, quoi. Non, je la fais pas transpirer, elle transpire. Mais grave, beaucoup. Quoi? En plus, elle veut pas l'avouer. Elle va dire que c'est pas vrai. Elle doit habiller les trois quarts du temps avec un pantalon, un pull et tout. Et alors? Et ça sent la transpire au réveil? Ah ouais, grave. Grave de chez grave. Hein. Ça t'excite, ça, hein? Ouais, moi, j'aime pas. Mais t'es sûr que c'est Sandy qui sent la transpire? Ouais, c'est elle. Et puis moi aussi, je transpire la nuit parce que j'ai trop chaud. C'est vrai? Alors donc, le matin, quand je me réveille... Eh ben, je vais me laver. Alors, moi, je voudrais qu'on parle un peu de d'épilation là. Donc, passe-moi épilation. Sandy là. Tiens, justement. Tiens, Gérard. Ouais. Je vais te faire un petit blind test sur des choses de la vie de tous les jours. Hein. Ouais, vas-y. Est-ce que tu reconnais ce bruit? Ça fait peut-être longtemps que tu l'as pas entendu. Écoute bien. Ah oh, non, pas celui-là. Pas la brosse des chiottes, non. T'es chié, toi. Hein. Demain, il y en a qui vont se faire tuer. Il y en a un deuxième que tu utilises très rarement, c'est celui-ci. Ah, ça va arriver, excusez-moi, parce que c'est un peu... Ouais, c'est un peu long, hein. Non, c'est ce qu'on met. Ouais, plus c'est long, plus c'est bon, hein. Ça s'appelle du spray, ouais. Hein, d'accord. Ouais. Il y a un truc aussi que tu utilises sûrement rarement, c'est ça. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce merde, là? On est en train de remplir l'évier, c'est nettoyer la vaisselle. Ah ça, la vaisselle, je la fais jamais, moi. Ouais, ça, tu la fais jamais. Tu connais ce bruitage, tu connais ça? Ouais. Ça dit quelque chose. Bon, ça, on remplit l'évier après, et ça, est-ce que tu connais ça? Ça, c'est très rare. C'est très, très rare. Il l'a vu que dans les films. Il a déjà vu ça. Enfin, l'aspirateur, faut pas rêver, hein. Non, faut pas rêver. Une de 20 cm. Et ça s'appelle... Prendre un bain. Ah ben ça je connais. Ouais. T'en as entendu parler en 76. Va dans ton bain, Gégé. Bon. J'étais même pas née. Bon, est-ce que tu peux nous repasser Sandy pour faire la conclusion? Il nous reste 2 minutes parce qu'après on est obligé de rendre l'antenne exclusivement à l'heure ce soir. Ouais. Sandy? Sandy, il y avait une question donc qu'on voulait poser. Oui, j'aimerais savoir si en parlant d'hygiène, d'épilation, si elle se faisait souvent le maillot. Le maillot? Oui. C'est-à-dire les poils pubiens qui dépassent du short, hein? Hein? Les poils pubiens qui dépassent. Non mais attends, ça je vais pas te le dire. Hein. Bah, allez, s'il te plaît, allez, on est en train. Non. Allez, t'es ma copine. T'es ma copine maintenant. Tu les fais au rasoir ou à la cire? Je veux pas savoir comment je suis foutue non plus à l'intérieur, non? Non mais tu les fais au rasoir ou à la cire, Sandrine? Ça m'intéresse vraiment. Attends, vous parlez tous en même temps, je comprends rien. Sandrine, tu disais où c'est, Mégane? Tu les fais au rasoir ou à la cire? À la machette. Bah non, mais ça je le dis pas, c'est tout. Voilà, c'est sa vie privée. C'est des choses qu'ils disent pas. Bon, c'est tout voilà, très indiscret, ça va, elle veut bien parler si elle se demise ou tout ça, mais elle veut pas parler de savoir ouais, comment. Elle parle de ses poils. Ça d'accord, mais comment elle s'épile, ça je veux dire, c'est privé, hein, je veux dire. Ouais, vous avez pas besoin. Moi je sais pas comment vous faites vous. Je sais pas si toi Tony tu t'épiles, mais enfin tu me répondras pas non plus, hein. Pour un mec, c'est un peu moins courant déjà. Ouais. Ah Tony, tu t'épiles ou bien pas? Bien sûr, je m'épile, oui, bien sûr. Tu t'épiles le kiki aussi? Ouais, bien sûr. Ouais bah alors. Voilà. Mais moi je pourrais te montrer mon intérieur, il y a pas de problème. On va faire une petite conclusion sur, parce qu'on est obligé de rendre l'antenne dans 2 minutes. Sandrine, petite conclusion. Alors, il y a peut-être très sérieusement un message à passer à ceux qui nous écoutent, les jeunes et les ouais, moins jeunes. Oui, bien sûr, bah, lavez-vous et surtout les dents, et puis bah, vive le tic-tac et vive les chewing-gums alors. Hein. Bah, enfin, il n'y a pas que les dents, il y a tout. Hein. Se laver, se prendre une petite douche, sentir un peu de parfum, un peu de sambon, mais du sambon, pas par-dessus la transpi. Ouais, hein. C'est dur le jeudi. Merci. Merci Sandrine, Tony. Ah bah, c'était super. À jeudi? À jeudi. Je sais pas si. Non. Ah, je sais pas. Non. C'est Manu. Gégé, il a dit non. Vas-y, s'il te plaît, Gégé, là, on c'est Apolline qui voulait le sélectionner pour jeudi. Non. Non. Hey, Gégé, s'il te plaît. Bah non, Sony, il a dit non. Je suis ton pote. Et Sandy, fais quelque chose pour moi, quand même. Bah attends, attends, moi, je peux rien faire. Si c'est je débat, sais que tu m'apprécies. Bon. Déjà que je prépare les questions et que je l'aide, déjà. Ouais, d'ailleurs, Gérard, ça, on aimerait bien que tu prépares toi-même tes questions du débat de jeudi. Ça, ça pas encore. Parce que sinon. Non, mais je l'aide. Je lui propose et lui, il voit. Ouais, mais enfin bon. Lui, il accepte tout. Ouais, c'est ça. Puis lui, il accepte tout parce qu'il veut rien préparer. C'est sur quoi déjà? C'est médecin de nuit, c'est ça? Médecin de nuit et sur les positions sexuelles. Les relations. Ah, c'est bon ça. Les relations sexuelles dans les positions. Tony, ça va cartonner. À très bientôt. À très bientôt. Tu verras. Mégane. Ouais, ben, moi je voulais juste dire que j'étais super contente parce que c'est la première fois, je crois, que je fais un débat et que je me fais pas traiter de salope ou de poufiasse. Ok. Donc c'est un jour à marquer d'une craie blanche et je suis contente d'avoir fait un débat avec mon pote Tony. Et à demain. Tu quittes pas salope, hein. Mais ok, ok. Et Gérard et Sandy, une petite conclusion. Ouais, bah ma conclusion... Sur la propreté, l'hygiène. Lavez-vous, parce que franchement, c'est intenable dans le métro ou dans le bus, là, c'est une vraie... Ou en intérieur, en appartement aussi. Non, mais là, lavez-vous, vous pouvez vous parfumer et tout ça, mais faites quelque chose. Non, ouais. Pas dans les... Et lavez-vous les dents aussi, surtout, parce que... Attends, moi, il y a une question. Des fois, vas-y, quand Gérard. Les gens ouvrent la bouche, c'est un peu intenable. Hein. D'accord, Gérard. Ouais. Ouais, c'est quoi ta conclusion? Ouais, la conclusion, c'est surtout les nanas. Celles qui se lavent et puis tout. Je vous en supplie, les nanas, tombez pas dans le parfum, parce que quand on prend le métro, qu'on s'assoit à côté d'une nana, alors là, je vais dire une chose, c'est la catastrophe. Pour Gérard, il faut sentir la transpi, pour Sandy, il faut sentir bon le parfum. Hein. Ouais, mais il faut mieux sentir le parfum que la merde. Ah bah là, faut savoir alors. Ouais, mais pas en mettre une tonne à plus pouvoir respirer dans un métro. Parce C'est sûr. Mais enfin, ceux qui sentent vraiment beaucoup la transpi, c'est tout aussi désagréable, hein, franchement. Ouais, mais ça, c'est sûr. Voilà. Merci Gérard, et à demain. Ouais. Hein, on se retrouve demain, donc deux débats. C'est prêt? Ouais, je serai prêt. D'accord, ok, les médecins de nuit, ça a l'air de bien s'annoncer. Beaucoup de gens veulent y participer, c'est assez marrant. Donc t'as eu le flair une fois de plus. Hein. Bah ça, c'est. On en aura d'ailleurs. On aura des médecins de nuit. Donc. Ah, ça c'est bien, parce qu'on a demandé à ce que hier, j'ai demandé à Pauline et Fildar et Manu d'essayer d'avoir des nouveaux. Donc on aura tout particulièrement ce soir demain des médecins, parce que j'ai demandé à appeler des cliniques et des hôpitaux de gens qui voudront bien consacrer 10 minutes de leur temps précieux pour parler avec toi du métier de médecin de nuit. Donc c'est plutôt cool. Mm-hmm. D'accord, bah écoute, c'est bien joué, Fildar, Manu et les autres. De rien. Merci Gérard. Par contre, tu quittes pas Gérard, je te repasse au standard et puis on va voir ça aux antennes. Merci Rigaud.